J'entendis alors une voix forte qui venait du temple. Elle disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu !» Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Alors, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau qui devinrent du sang. J'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » J'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vis alors sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple. Du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Puis il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Il n'y avait jamais eu un aussi grand tremblement depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint alors de Babylone la Grande et lui donna la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Le fléau était très grand et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle.